quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Accepte ce que je suis, car je resterai d'insiste. N'est pas pour ça que je changerai mes esprits. Donc, content de toi, tu sais ce que je te dis. Plus de mena, welcome, mes paroles, plus de mena, tout son bail. Oui, hey, hey, passe-moi le mail. Pas de blême, pas de panique, j'ai demandé un live. Mais je ne veux pas que tu restes là, comme ça là, devant moi. Trop de blabla, dis-moi du style. Sachant que la musique est une véritable race. Pas de place pour tous les intrus qui ont toujours fière allure, c'est sûr. Alors qu'ils brassent de l'air, embrasse tous tes amis. De ma part et à toi, je te fais un. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Je veux pas être populaire, mais rapper pour mes frères qui n'ont guère le choix. Le soir qui squattent les squares et ma sale voix, comme quoi y'a pas de star system ici à Lyon. En passant, j'nique ce million, fallait que je le pose dans ce boucan. Je reprends, y'a pas de star system à Lyon. Que des vrais revendiquant le vrai, que des histoires fraîches de la rue. Des tatis, non, moi j'ai rien dit. En fait, tout le monde a dit, faut que j'en MIC, remix, balafré, Vida vient greffer sa putain de voix rouillée. Lance le show, en gros réchauffe l'atmosphère, faut que ça saute, faut que ça saute, faites péter les watts, faut que ça saute, faut que ça saute, faites péter les watts, faut que ça saute, faut que ça j'time le hip-hop, le shit la rue, nos frères déçus, issus du bitume, sans aucune porte d'issue ici c'est sûr. 60 minutes pour sûr de show, color block ta ceinture, décollage pour Saturne. Et si ça tourne, mal y'a pas de problème, on pète les watts quand même. Un duo, CR color des putains de phénomènes. Des putains de phénomènes, que tu le veuilles ou pas. On fond notre empire, que tu suis ou pas, ça sera pire en pire, que tu le veuilles ou pas. Les insultes suivent, que tu suis ou pas, on raisonnera pas autrement. Là où y'a du fric, c'est la loi de la jungle. Les photos au griffes acérées, entre dans une vie accélérée. Et que y a plusieurs accès sans succès, même les bâtons dans les roues, il faut essayer. Cesse de tester, j'suis pas un joueur, un black tracker. Sérieusement, tueur, dealer, puis la leur, file-le. Génération basanée, rimeur, n'est blackness sans cesse. Les mêmes camis frimeurs, ici wire. Les mêmes fumeurs, rap primeur, Missy Jazzifa, M shit beer. Section 6, 9, 1, 3 pour la même proie. Hey, y'a quoi? C'est FA, numéro de série, pompe carré, shoot scenario, parrainer duo. Monsieur M shit, Inch'Allah, polar des trottoirs, alcoolo, M shit, black bracker, au mic, toujours Daimu, Defle Kaimu, M shit, si si, yo, c'est que leur carré rouge. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. De plus, tant que je me défonce au mic, j'assure mon rôle en impro, je me mise sur un beat pro. Je milite sur 10 ces choses insolites, histoire que tu sois vénère. Je contrôle l'affaire, j'ai balle en vrai, mes rimes en vrac, d'appréhension subtile. J'ai défini mon quotidien, dans notre vie, y'a pas de mi-mesure. Faut faire le bon choix, gonfler de bonnes résolutions. Faut pouvoir sortir de son trou ici. Y'a trop d'MC qui braillent. Trop de canailles sans faille. Le micro à la main, c'est comme un fusil d'assaut. Le tempo dans la peau, bad même, je construis un morceau. Norman, passe-moi le micro, que je te fasse une démo. Non pas pour tes pinkos, mais en boys sont trop chauds. Passe-moi le micro, que je te fasse une démo. Mais en boys sont trop chauds. Quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal. Et quand je prends le micro, ça fait que boum, aïe aïe aïe, campine minimat, c'est fatal. Campine minimat, c'est normal.